La tête au carré. Le club. Et le club comme tous les vendredis avec aujourd'hui un tour du monde scientifique, une histoire du climat sur Terre et un C'est pas sorcier 2.0. Mes invités Clémentine Bacry, Adrien Normier, Frédéric Courant et Gilles Rammstein et vos messages. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr. Première escale dans ce club avec donc des ailes pour la science. Moi c'est Clémentine. Moi c'est Adrien. On est tous les deux passionnés d'aviation. Et aussi de voyage. On a décidé de parcourir la planète. Pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles. Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra-léger. L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien. Voilà, quelques années plus tard, eh bien c'est fait effectivement ce tour du monde, puisque Clémentine Bacry et Adrien Normier, vous publiez le récit de vos aventures dans ce livre. Un tour du monde, pas comme les autres, des ailes pour la science, c'est aux éditions Le Pommier. Et Clémentine, donc vous êtes avocate, vous nous le disiez tout à l'heure, au barreau de Paris et du Luxembourg. Et Adrien Normier, vous êtes diplômé en génie aéronautique et pilote de ligne. Et ça vous a beaucoup servi évidemment, parce que vous avez voyagé en avion pendant toute la durée du tour du monde. Alors, pas en avion, en ULM. En ULM, en avion ultra léger, on va dire. Voilà, c'est comme un avion, mais ça pèse un peu moins lourd qu'un poney. Oui. Voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est revenu. Là, c'est bientôt le Salon du Bourget. Mm-hmm. Et on avait posé les roues à l'ouverture du Salon du Bourget, il y a 2 ans. Oui. Après, une aventure qui a fait un vrai tour du monde avec des stops sur des projets de recherche scientifique auxquels on apportait des informations et des données avec ce petit moyen léger, un ULM, on se mettait en l'air. Voilà, et vous proposiez donc vos services, hein, c'était ça aussi l'origine de ce projet. Et Clémentine, donc on se retrouve un an après, puisqu'on avait fait connaissance au Salon du Livre, une émission qui s'est révélée assez fructueuse finalement pour vous. Mais exactement, parce que c'est grâce à votre émission que le livre qu'on est très fiers de présenter aujourd'hui, puisqu'il sort aujourd'hui dans les librairies, est né. Voilà, c'est à la suite du rendez-vous qu'on avait fait avec vous en direct au Salon du Livre que la construction du livre est apparue. Et c'est Pierre Léna, l'astrophysicien, qu'on recevait également cette semaine pour les 20 ans de la main à la pâte, qui vous a poussé aussi à écrire, hein. Effectivement, Pierre Léna est en fait le parrain des ailes pour la science. Donc c'est lui qui nous a poussé à développer tout l'aspect pédagogique. Et c'est pour ça qu'on était présents dans des écoles tout autour du monde à participer à des projets créés par les élèves, des projets scientifiques créés par les élèves pour justement les impliquer dans des petites recherches qui étaient en lien avec leur programme scolaire. Et donc c'est Pierre Léna qui est responsable de la main à la pâte, qui est aussi donc parrain de notre initiative et qui nous a poussé à écrire un livre et qui en a d'ailleurs fait la préface. C'est ça. 60 000 kilomètres donc pendant ce périple. Frédéric Courant, vous avez calculé vous le nombre de kilomètres que vous avez fait pour C'est pas sorcier ou pas, parce que vous devez en avoir des miles aussi. Pas du tout, mais nous on avait un camion donc ça va un peu moins vite, ça vole moins bien. C'est moins rapide. Mais là on va changer, hein, faites attention, hein, on a un bel outil là pour voyager. Vous avez calculé à peu près le nombre de pays visités ou pas pour les missions? Je pense à peu près pareil, une cinquantaine, 50-60. Ouais. Entre 2013, donc 2012 et 2013, Adrien Normier, vous avez mis le cap sur une cinquantaine de pays justement. Comment vous avez choisi les projets scientifiques qui vous servaient d'escale et de prétexte donc à ces voyages? Alors, plus qu'un prétexte, c'était une origine. L'ambition de Clem, c'était d'apporter une plus-value localement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, envoyé un mail à un copain qui bosse au CNRS en lui disant la chose suivante. Voilà, on s'est aperçu qu'avec un petit avion, un petit moyen volant, on pouvait vraiment apporter des choses à des problématiques locales. Exemple, faire une cartographie d'un site de fouille pour des archéologues, ou alors rechercher des baleines, ou encore faire une cartographie de la mangrove, justement. Si, parmi vos copains, vous avez des scientifiques qui aimeraient bien avoir une machine volante pour quelques heures, et qui, avec ces quelques heures, pourraient changer leur point de vue sur leur recherche, envoyez-les nous, on fera ces heures de vol. Et c'est comme ça, au fond, que vous avez tracé un petit peu la carte de ce tour du monde, D'abord, avec les réponses reçues? On a pris la planisphère, on a posé les points aux endroits où on avait des réponses crédibles, parce qu'il y en avait pas mal qui voulaient juste faire des baptêmes de l'air. Ouais. Et puis ensuite, on a fait du relier les points. Voilà, c'est comme ça qu'on a conçu le trajet. Donc Clémentine, le projet, c'était vraiment de participer aussi à ces projets scientifiques. C'était pas seulement d'être observateur sur place, hein. En fait, voyager, c'est quelque chose qu'on a la chance de faire depuis très longtemps en tout cas. Et donc là, cette fois-ci, on s'était dit qu'on aimerait bien être utile sur place. Être utile et être en contact avec des gens passionnants. Et donc le meilleur moyen d'être en contact avec eux, c'est de leur apporter réellement un soutien, un support. Et c'était fondamental pour nous de pouvoir, à notre échelle, mais être utile. Et alors Adrien est très modeste en disant que ça vient de moi, parce que c'est quelque chose qui vient de nous deux, et c'est pour ça qu'on est partis ensemble. Exemple avec le Canada, on va faire une petite escale justement pour vous, puisque vous avez aidé les chercheurs à observer les baleines au-dessus du Saint-Laurent. Extrait de vos pérégrinations. Sur le bateau comme dans l'avion, tout le monde scrute la surface de l'océan. Nous recherchons le moindre indice de présence animale, le moindre souffle qui nous indiquerait la présence d'une baleine. Une mission délicate, car ces mammifères marins peuvent rester sous l'eau sans respirer pendant de longues minutes. Soudain, Adrien aperçoit enfin un groupe de cétacés. Oui, c'est un requin commun qui est entagué. Je tremble presque d'excitation. Dans quelques instants, je vais pouvoir admirer de près des baleines, pour la première fois. Voilà, et Adrien Normier, derrière l'observation des baleines, il y avait un enjeu particulier aussi pour vous à l'occasion de ce voyage. Hein. Alors, sur ce point précis du Canada, oui, il y avait un enjeu. La station de recherche des îles Mingan, à cette époque-là, ne disposait pas de moyens volants pour repérer les animaux. Oui. Et donc se contentait du rayon de recherche permis par ces deux zodiacs. L'occasion de notre mission sur place a été de repérer plus d'une trentaine de groupes d'animaux à des distances bien plus lointaines. Et c'était important. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, au Canada, il y avait un moratoire sur la prospection pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent qui était sur le point d'être levé. La levée de ce moratoire s'appuyait sur un raisonnement assez ridicule quand on le regarde de loin. C'était de dire, voilà, ça fait 30 ans qu'on a des scientifiques qui observent des baleines à 20 km de l'endroit où ils sont basés. Donc, il n'y en a pas autre part. Donc, ouais. On peut aller faire de la prospection autre part. Donc, nos relevés sont venus alimenter la base de données qui a été présentée, qui a permis de repousser la fin de ce moratoire sur la prospection pétrolière. Au-delà de ça, ça nous a permis d'identifier des baleines que les scientifiques recherchaient pour pratiquer des biopsies. Ouais. Et vérifier à travers des petits échantillons de peau, comme on fait chez le dermato, ouais. La présence ou non de toxines dans la peau des animaux. Donc vous leur avez vraiment permis de gagner beaucoup de temps avec le survol justement en ULM du Saint-Laurent ? Alors, gain de temps pour les biopsies et puis gain d'informations sur la présence des animaux. Oui. Ouais. Clémentine Bacry, il y a eu d'autres découvertes justement, grâce à vous quand même et grâce à cet avion ultra léger, dans d'autres pays évidemment. Oui, on a eu beaucoup de chance. Effectivement, Mathieu, on a eu beaucoup de chance parce que avec quelques heures de vol, on a pu être impliqué dans des découvertes très chouettes. Mm-hmm. Il y en a une notamment au Pérou. On était sur une mission archéologique dans le site de Caral Soupé, qui est un site qui a 5000 ans d'âge, assez gigantesque. Il y a même des pyramides dans ces endroits-là. Et en fait, donc on était chargé de faire une cartographie et un modèle 3D de la zone de fouille. Et en s'éloignant un tout petit peu, on a découvert des géoglyphes, c'est-à-dire des dessins faits à partir de pierres posées sur le sol que les archéologues n'avaient jamais pu découvrir. Parce qu'en fait, depuis le sol, on n'arrive pas à s'en apercevoir. Ouais. C'est des dessins qui sont trop gros et qui s'aperçoivent que depuis une vue aérienne, justement. Vous avez pu survoler les volcans également, Adrien Normier. C'était dans quel pays ? Je crois en Indonésie, c'est ça ? Alors, on a une belle histoire d'amour avec les volcans. Le tout premier, c'était la mission zéro de Diesel pour la science au Vanuatu sur le volcan Yazoo. Ouais. Et alors, les données qu'on a récupérées à cette occasion, Élodie, si tu nous entends, viennent de donner lieu à la publication d'une thèse. Voilà. Donc ça, c'est un beau débouché, on est heureux comme tout. Mmh. Et à l'époque, on travaillait sur la réalisation d'un modèle 3D du dôme résurgent de ce volcan qui se déploie à une vitesse importante. Dans Diesel pour la science, on avait une mission sur les volcans en Indonésie. Alors l'enjeu, c'était sur les volcans qui s'y prêtaient de réaliser des modèles 3D des sommets et sur le volcan Krakatoa en particulier, de mesurer des mesures d'émanation de dioxyde de soufre. Et là aussi, vous avez apporté des informations scientifiques finalement aux chercheurs sur place ? Ah tout à fait, parce qu'on a embarqué à bord de l'ULM un petit télescope connecté à un spectromètre qui nous a permis, en faisant des passages sous les dégazages du volcan, de mesurer le flux de dégazage. Voilà, quelques exemples en tout cas de vos aventures. 6 mois de voyage, vous allez repartir, Clémentine Bacry, je crois que c'est Pas 6 mois, 14 mois. 14 mois, mais 6 mois de récit en tout cas. Et Clémentine, vous allez repartir quand alors, a priori ? Alors effectivement, on a prévu de repartir. Donc juste pour revenir là-dessus, le voyage a duré 14 mois. Le livre en raconte que 6 parce qu'il y a le livre suivant qui est en cours d'écriture. C'est ça. Qui devrait raconter les 6 mois restants. Et alors ensuite, oui, on a prévu de repartir parce que c'était tellement génial qu'on veut continuer. Mm-hmm. Et sauf que cette fois-ci, on monte un peu en gamme, donc ça sera plus long et l'équipe s'agrandit. Voilà. Adrien, je te laisse en dire plus. Vous serez accompagné, a priori, d'un petit enfant qui va naître bientôt. On n'en dira pas plus. Alors effectivement. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu me rendre avec vous dans les studios et que je suis par téléphone. Voilà, absolument. Mais en tout cas, on va suivre la suite de vos aventures. Il y a Wings for Science, donc des ailes pour la science. C'est un site internet qu'on met évidemment en lien sur La Tête au Carré. Et puis un certain nombre de films que vous avez réalisés avec la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte qui sont à visionner. Et là également, on met le lien. En attendant, on peut lire aux éditions Le Pommier Un tour du monde, pas comme les autres. Une grande histoire du climat